Check ça, ça fait plusieurs concerts qu'on m'a dit Rachid, pose-toi. T'as vu tes cernes, comment tu fais, on se demande quoi. Être un amoureux du hip-hop, ça ne s'explique pas, c'est trop dur quoi. Comme un enfant dans une classe sec pas. Je gravis les hectares, vu que la scène est une étoile. Je bois mes sentiments, puis les recrache en fond du nectar. On dit que le temps ne s'arrête pas, donc je continue mon histoire. J'ai avancé le jour où l'on m'a dit Rach, organise-toi. La vie ne tient qu'à un poil, la famille sous un toit. On s'imagine de plus en plus cousin dans Nicaragua. Allez, tout doit disparaître, vas-y cousin, on reste là. J'ai déjà fait le tour du rap et je l'ai réussi, on vise pas. Bordel, on est tous fous. On se noie solo, on se pose des questions, on devient sous. On est connu apparemment, cousin qu'on pour foutre la merde. On se fait discret, comme un petit dans une McLaren. Fuck les règles, je m'arrête, je finirai sur cette lettre. On dit que la guerre du monde est en bouton dans une mallette. Allez, tout doit disparaître, non, cousin on reste là. J'ai déjà fait le tour du rap et je l'ai réussi, on vise pas. On fait la même et on lâche pas. Toujours. On continue et on lâche rien. Toujours. Depuis l'époque on se donne. Toujours. Tu le sais bien qu'on se donne. Toujours. Envoie Rolex la prod. Toujours. Depuis l'époque on se donne. Toujours. On lâchera rien, tu le sais. Toujours. C'est pour 7, tu le sais. On passe par là, micro branché, mais qu'est-ce qui se passe? Lève la main, on voit l'instrument au vrai. Traverse tout le temps, mais pas les mauvais. Passe par là, micro branché, mais qu'est-ce qui se passe? Ma façon d'envisager le rap est élémentaire. Au vrai, traverse tout le temps, mais pas les mauvais. Pour les frérots, ouais, toujours. On donne oui, ça, oui, toujours. On continue par amour. Vive mon public pour toujours. Pour mes Dizzy qui me donnent la force, toujours, frérot. Monotov, toujours. Sprinter, toujours. Chimie Hendrix, toujours. C'est pour le S, toujours. Frérot, c'est pour Ahmed, toujours. Île de Tau, toujours. Ma famille. Waouh, waouh, waouh.